je décidai de rentrer. Mes pensées étaient confuses. C'était un peu comme si, me dédoublant, je devais constamment faire prendre en charge une moitié de moi par l'autre moitié. Tout ce qui m'entourait ressemblait à un rêve. Je ne fus donc pas trop étonné lorsque je vis une femme sortir précipitamment du parc et se planter devant moi. Mais tu ne rêves pas, prince. Je ne suis pas une vision de ton esprit en délire, je suis Nastassia, oh chéri en os. Lève-toi, Nastassia, lève-toi vite. Es-tu heureux, prince? Ne me dis qu'une chose, es-tu heureux maintenant? Je tentais de relever Nastassia Philipovna, mais obstinée, elle demeurait à genoux. Des larmes coulaient de ses yeux. Écoute, prince! Je m'en vais demain, comme tu me l'as ordonné. Mais je ne t'ai rien ordonné, voyons, Nastassia. Je te vois pour la dernière fois, tu m'entends? Calme-toi, calme-toi. Pourquoi cherches-tu à m'embrasser les mains? Je ne suis pas meilleur que toi, Nastassia. Alors reprends courage. Dieu te regarde. Et il se désole. Nastassia se releva enfin. Elle me sourit avec tristesse. Ses lèvres murmurèrent « Adieu, prince ». Puis elle s'en alla en chancelant. Et je vis tout à coup Parfen Rogojine s'approcher d'elle, glisser son bras sous le sien et l'emmener. « Attends-moi, prince. Je reviens dans 5 minutes. » En effet, Parfen Rogojine revint bientôt. « Je l'ai mise dans la voiture qui l'attendait là-bas au coin de la rue. Elle part demain. Elle quitte Pavlovsk, selon ton désir. Elle voulait seulement te revoir une dernière fois. » C'est Nastassia qui t'a prié de l'accompagner jusqu'ici? Et après? Cela te chagrine? Je n'ai rien appris que je savais déjà. Tu as bien lu les lettres qu'elle avait écrites à Aglaï Ivanovna? Oui. Et toi? Oh, je pense bien. Elle me les a toutes montrées. Tu te souviens du rasoir? Elle est persuadée que je cache dans un tiroir un rasoir bien effilé et qu'un jour... Que dis-tu de cette solution? Oh, elle est folle. C'est une malheureuse démence. Qui sait? Elle simule la folie, peut-être. Et en cachette se moque de nous tous. Oh, Rogojine, je te croyais plus... Plus charitable? Non. Je ne le suis pas. Pour pouvoir s'apitoyer sur quelqu'un, il faut d'abord avoir pitié de soi-même. Je n'ai pas pitié de moi. Non. Non, rien que de la haine, prince. Ah. Mais adieu. Moi aussi, je m'en vais demain. Ne me garde pas rancune, si tu le peux. Et dis donc, prince, tu n'as pas répondu à Nastassia. Es-tu heureux maintenant? Non, Rogojine. Non. Le contraire m'aurait étonné. Frère. Deux semaines s'écoulèrent après cette nuit affreuse. Cette nuit où Nastassia Philipovna, m'ayant fait ses adieux, avait disparu de Pavlovsk. En étais-je pour autant débarrassé d'elle? Non. Non, son souvenir me hantait. Parfois, il me semblait la voir surgir d'une petite rue de derrière un bosquet d'arbres. Et elle m'apparaissait dans mes rêves cruels. Pour lui échapper, je me réfugiais chez les Yepanchin, mais là encore, pendant que je conversais avec la générale Yepanchin ou avec une de ses filles, Nastassia réussissait à se glisser dans le salon et se plantait devant moi, tragique et absurde. Puis un jour, elle cessa brusquement de me torturer. Je ne la vis plus dans les rues, elle déserta mes rêves et renonça à ses visites chez les Yepanchin. Mais je ne devais jouir que d'un très court répit. Le lendemain de sa disparition, Varvara Ardalionovna, la sœur de Gabriel Ardalionitch, qui s'était mariée avec Ptitzin, le petit usurier, pénétra brutalement dans mon existence et me fit à son tour souffrir. Dans quel but? Et comment s'y prit-elle pour m'évincer de la maison des Yepanchin? Vous le saurez en écoutant les propos qu'elle échangeait avec son frère Gagna. Non, non, non, c'est plus possible, c'est... Mais qu'arrive-t-il encore, Gagna? Pourquoi ces cris? Je parie que tu t'es fâché de nouveau avec papa. Mais comment peut-il en être autrement, Varvara? Je te jure que le vieux devient complètement enragé. La mère le défend et pleurniche, moi je n'en peux plus. Tu vas les mettre tous les deux à la porte ou je quitte ta maison. Oui, car je suis chez toi, hélas, oui. J'en rougis, mais je mange ton pain. Oui, je suis devenu un pique-assiette, un parasite. Moi, Gabriel Ardalionitch, qui rêvait de conquérir Saint-Pétersbourg, de m'imposer à la haute société. Moi qui mais pensais... Mais calme-toi, Gagna. Si je t'ai accueilli chez moi, je l'ai fait de grand cœur. Tu ne dois pas te sentir gêné. Quant à papa, il... Ce vieux fou, il me nargue. Il se met en travers de mon chemin, il me ridiculise. Mais il faut être indulgent, Gagna. Que tu le veuilles ou non, c'est ton père, alors... ton père, tu n'as que ça à la bouche. Mais je le hais, je le vomis, mon père. Il a perdu toute notion d'honneur. Il a volé 400 roubles à Lebedev. Ce n'est pas prouvé. C'est plus que prouvé. Ferdichenko était mis hors de cause. Alors qui d'autre pouvait voler le portefeuille de Lebedev? Non, c'est bien lui qui l'a pris. La preuve, il n'avait pas un copec. Et le lendemain, il a remis à sa maîtresse cette maudite veuve. 400 roubles. Ah, ah, tu ne dis plus rien, hein, tu te tais. Je me tais. Et je t'invite à en faire autant si tu ne veux pas que je me fâche. Voleur ou pas, c'est notre père. Ce n'est pas à nous de l'accuser, de l'accabler encore davantage. Non, nous devons le défendre contre tous, et s'il y a lieu, contre lui-même. As-tu compris? Et maintenant, cela suffit, j'ai hâte de parler sérieusement. C'est bon, je ne dis plus rien. De quoi veux-tu me parler? Tu es allé là-bas, chez les Yepanchin? Oui, Gania. Que se passe-t-il? Ce que j'avais prévu. Le prince Michtine est devenu le fiancé en titre. De qui? De qui le prince Michkin, ce pauvre idiot, est-il devenu le fiancé? Quelle sotte question, mon frère. Mais d'Aglaé Ivanovna, bien entendu. Alors... Alors tout est fini. Plus d'espoir de ce côté. Ah, vous allez pouvoir me faire des leçons de morale, ton mari et toi. Et louer hautement la vertu du travail et me pousser à chercher un emploi. Nous n'en ferons rien. Nous te laisserons libre de poursuivre tes chimères, jusqu'au jour où tu te rendras compte par toi-même que tu ne peux pas conquérir une Aglaé Ivanovna ou toute autre riche héritière. Ce qui me révolte, ce n'est pas qu'Aglaé Ivanovna m'ait repoussée, non. Ce qui me révolte, c'est qu'elle ait choisi un prince Michkin pour mari. Mais a-t-elle vraiment donné son consentement? Jusqu'à présent, elle n'a pas dit non. Et connaissant son caractère, c'est comme si elle avait dit oui. Assez ! J'en ai assez ! Assez ! Tu l'entends hurler ? Il est devenu tout à fait impossible. Mais il est comme ça depuis des années. Pourquoi y fais-tu attention à présent ? Si Aglaé Ivanovna s'est détournée de moi, c'est à cause de lui. Mais oui, ne dis pas le contraire. Aglaé ne voudra jamais avoir pour beau-père un voleur. Parce que tu crois que la conduite de notre père t'a nui aux yeux d'Aglaé ? Eh bien, tu te trompes. Aglaé est capable de refuser un fiancé de choix et d'aller mourir de faim avec un étudiant pauvre. Comme elle est capable de s'attacher à un vrai criminel, guidé par un désir impérieux de le relever. Aglaé est une nature généreuse et romanesque. Oh non, laisse-moi rire. Ta généreuse et romanesque Aglaé a tout simplement peur du scandale. Comment veux-tu qu'elle se marie avec moi? Je ne suis qu'un gueux. Mon beau-frère, ton cher mari est un usurier. Et mon père, un ivrogne et un voleur. Hey, voilà qui sort de son repère comme une bête immonde. Ah, cette fois, il faudra bien que tu choisisses entre lui et moi. C'était L'Idiot, un feuilleton de Georges Govy inspiré de Dostoïevski. Avec Pierre Vanek, le prince Michkin, Marcel Bozufi, Parfen Rogojin, Pierre Noël, Gabriel Ardalionitch, Paul Ramaroni, Varvara Ardalionovna et Sylvia Monfort, Nastasia Filipovna. Musique d'Edgar Cosma. Production réalisée dans les studios de la RTF à Nice par Yves Dariet, avec la collaboration de Jacques-Élie Moreau et le concours de la troupe dramatique régionale.